1937, toi le voyageur, bienvenue au Ténéré, où s'étalent les sables selon l'humeur du Touareg. Il compte une rumeur, celle d'un grand arbre qui jadis était bien là, solitaire, abandonné par le désert et la pitié, qui jadis marquait la route. De toi le voyageur, bienvenue au Ténéré, où s'aiguise l'humilité, comblé de ridicule, il y a des choses qui ne change pas, il y a des choses qui ne changent pas. 73, un chauffeur loin de chez lui, sur les routes de Ténéré, s'enivrait un peu bourré. La nuit était lourde, ses paupières la suivaient. Il ne l'a pas vue, la plus Ténéré. Il l'a heurté, son tronc s'est écroulé. En 73, l'arbre solitaire est décédé. Bienvenue au Ténéré, où s'aiguise l'humilité, comblé de ridicule, il y a des choses qui ne changent pas, il y a des choses qui ne changent pas. 75, un duo de forgerons, venu d'on ne sait où, hanté dans de l'acier. Un faux petit arbre planté à Ténéré, afin de remplacer le grand frère écrabouillé. Malchance, rendez-vous, le vent a tourné, le faux petit arbre lui aussi s'est écroulé. Bienvenue au Ténéré, où s'aiguise l'humilité, comblé de ridicule, il y a des choses qui ne change pas, il y a des choses qui ne changent pas. 85, un duo de jardiniers sont restés à Ténéré, arroser un vrai arbre, mais le puits s'est asséché, les belles et jeunes pousses sont décédées. Mais le puits s'est asséché, et les jardiniers, eux aussi, sont décédés. Bienvenue au Ténéré, où s'aiguise l'humilité, comblé de ridicule, il y a des choses qui ne changent pas, il y a des choses qui ne changent pas. Bienvenue au Ténéré, où s'aiguise l'humilité, comblé de ridicule, il y a des choses qui ne changent pas, il y a des choses qui ne changent pas.